Chapitre 11e. Mais oui, je lui écris. La lettre est partie ce matin, dit Boyne à son ami dans la soirée du lendemain. Il était agacé d'avoir à rendre des comptes. Est-ce qu'il n'allait plus pouvoir faire sa correspondance sans qu'on l'en fît souvenir? Mais Rose le désarma d'un mot. Vous me faites grand plaisir, chérie. Cela me serait si pénible de penser que notre bonheur vous fasse négliger votre petite amie. Ah, comme elle était généreuse. Il l'adorait quand elle disait des choses comme celle-là. On voyait qu'avec ses airs de rigorisme, elle était avant tout une créature humaine. Ce soir-là, pour la distraire d'après des mois de solitude, il l'avait persuadée de descendre dîner avec lui, non pas à son modeste hôtel, mais au gigantesque palace qui s'élevait parmi les pins au-dessous du chalet. Il pensait que le mouvement du public et la gaieté du restaurant la divertiraient et rendraient, par contraste, plus délicieux leur tête-à-tête quotidien du chalet. Ils avaient fini de dîner et prenaient le café dans un coin du grand hall vitré où rentraient l'un après l'autre les couples de dîneurs. Pour la première fois, Boyne revoyait Mme Sellers au milieu de femmes de son monde gracieuses et bien habillées, et constatait avec plaisir qu'aucune ne la valait. Mais c'était amusant de voir évoluer tous ces inconnus et de construire un petit roman sur chacun d'eux. Boyne écoutait les remarques toujours brèves et un peu ironiques qui échappaient à son ami, avec une satisfaction où l'arôme de l'excellent cigare qu'il venait d'acheter au maître d'hôtel n'était pas étranger. « Jolie fille, n'est-ce pas, la petite là-bas, près de la colonne, en rose pêche ?»« Seulement, on a vu cette tête-là 10 000 fois sur des couvertures de magazines. »« Ah, Martin, quel ennui si la beauté aussi se trouve standardisée. »« C'est déjà fait depuis longtemps, » dit Boyne. « Les jeunes gens se font en série. » Et il songeait secrètement que le grand attrait de son amie, c'est qu'elle était encore d'un temps où les femmes charmantes avaient chacune leur charme particulier. Je me dis toujours que si j'étais le remari d'une de ces beautés, je serais incapable de la retrouver dans une foule. Elle rit, et parcourant le hall du regard avec son face-à-main. Ah, pour celle-là, je suis sûr que vous la retrouveriez. Une nouvelle beauté, où donc? Belle, non, à peine jolie, mais pas comme tout le monde. C'est elle qui vient d'entrer. Où donc est-elle passée? La voilà qui parle avec le portier. Tenez, elle regarde par ici. Mais vous ne pouvez pas la voir de votre place. Ce n'est qu'une enfant, mais le visage est intéressant. Il n'entendit pas ces derniers mots. Le portier approchait. Monsieur, une jeune dame qui désire vous parler. Boyne se leva, regarda dans la direction qu'on lui montrait. Il ne s'était pas trompé. C'était bien Judith. Frêle et droite, dans son petit costume de voyage, son petit bibi rabattu sur ses regards anxieux, si petite, si effacée qu'elle paraissait à peine visible au milieu de l'éclat de ses femmes aux bras nus. Et pourtant Rose l'avait repérée du premier coup. Ah non, elle n'était pas comme tout le monde. Personne comme Madame Sellers. Mais à demain, les réflexions. D'où venait la petite? Que faisait-elle ici? Une minute, vous permettez? C'est une connaissance. Il suivit le portier entre les rangées de petites tables. Judith attendait dans la pénombre de l'escalier. « Vous, cher enfant, vous tombez du ciel. J'avais si peur que vous ne soyez parti. » Il lui prit les deux mains et elle leva vers lui une pauvre petite figure tirée. « Allons, pourquoi pas ?» Il l'avait embrassée à Venise le jour de son départ. Il lui effleura les joues d'un nouveau baiser. « Vous, ici, qui venez-vous faire ? Et vos parents, où les avez-vous laissés ?» Martine, Martine. Elle ne le lâchait pas, et il sentait qu'elle tremblait. Elle ne lui répondit pas, mais se mit à regarder autour d'elle. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre ailleurs qu'ici? Il doit bien y avoir un salon de lecture. Il n'y a jamais personne après le dîner. Ils allèrent, elle toujours pendue à son bras. Comme elle avait prévu, la pièce luxueuse était vide, les tables inoccupées et les divans déserts. Elle se laissa tomber assise auprès de Boyne et lui lâcha les bras au cou. « Martine, vous n'êtes pas fâché. Dites-moi que vous êtes content. »« Bien sûr que je suis content. » Doucement, il se détacha d'elle. « Mais ma pauvre enfant, vous êtes morte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va de travers? Et la famille, qu'en avez-vous fait ?» Elle se recula légèrement et tourna vers lui son petit visage indomptable. « Si c'est de mes parents dont vous parlez, ils sont restés à Venise. » « Ils ne savent pas où nous sommes. Ne me grondez pas, Martine, nous nous sommes sauvés. »« Comment? Qui ? tous, avec Scopi et la nounou. Cela devait arriver un jour ou l'autre. Nous sommes descendus ici, à la pension Rosengleu. Papa n'ira pas nous y chercher. Il croira que nous avons filé pour l'Amérique. Il y a un bateau de la Cunard qui a touché Venise hier. Il pensera que nous l'avons pris. Nous avons laissé une lettre pour lui. On a loué des autos à Padoue. L'air fera du bien à Terry. Il paraît qu'ici l'air est merveilleux. » Elle avait débité tout ce discours d'un même ton sérieux et tranquille, comme si rien de ce qu'elle disait n'eût d'importance, hormis la santé de Terry. Elle se tut et poussa un grand soupir. On la sentait à bout de force. Elle n'était plus qu'une pauvre petite chose qui allait tomber de fatigue sur l'épaule de Boyne. « Mon enfant, vous n'en pouvez plus. Je suis sûr que vous mourrez de faim. Il est 10 heures passées. Je parie que vous n'avez pas dîné. » »« Je n'avais pas le temps. Il fallait d'abord installer les petits et savoir si vous étiez là. Maintenant que vous le savez, il faut songer à vous. Il faut vous remonter. Nous causerons après. » C'est vrai que cela ferait du bien d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Attendez ici, je vais marauder aux environs. » Boyne revint dans le hall où les tables de bridge commençaient à se former. Il se rappela tout à coup qu'il avait planté là Madame Sellers à côté de sa tasse vide. Il l'avait tout à fait oubliée. Il la chercha à la place où il l'avait laissée. Il explora le salon. « Elle en a eu assez d'attendre. Elle sera remontée, » se dit-il, « au lieu de patienter un peu. » Mais j'aurais dû compter avec ses habitudes cérémonieuses. Elle aura cru que c'était plus délicat de s'effacer. Au diable, la délicatesse! Mais l'essentiel pour le moment, c'était de faire dîner Judith et de la ramener à sa pension. Après, il remonterait au chalet. Et il finit par trouver un domestique. Il ne restait plus rien du dîner. Boyne dut se rabattre sur des sandwiches et des cocktails qu'il fit servir dans la salle de lecture. Au fond, il n'était pas fâché que Rose eût pris le parti de se retirer. La délicatesse a du bon. La première gorgée de cocktail ramena les couleurs sur les joues de Judith. La seconde lui donna une excitation un peu plus que naturelle. « Mangez, mangez !» disait Boyne. « Vous parlerez plus tard. » Et il faisait glisser les sandwiches dans l'assiette de la jeune fille et s'amusait de l'avoir dévoré à belles dents et vidé le verre de Boyne après avoir bu le sien. Son œil brillait à travers le cristal, mais elle se taisait par obéissance. Enfin, elle lui demanda une cigarette et se renversa sur les coussins. « Nous sommes ici, toute la bande, » déclara-t-elle avec satisfaction. « Même Chip ?»« Même Chip. Croyez-vous par hasard que nous serions partis sans lui ?»« Et pourquoi partir ? Avez-vous donc tout à fait perdu la tête ?»« Pas nous, mais papa et maman. Je les avais prévenus. Je leur avais dit qu'on partirait si ça recommençait. Et ça a recommencé. » « Qu'est-ce qu'il y a eu ?»« Ce que je prévoyais, tout simplement. Mais je pense que vous n'avez pas reçu ma lettre. Vous m'auriez répondu. » Elle tourna vers lui un regard d'une telle confiance qu'il ne put que balbutier. « Dites-moi tout. »« Eh bien, voilà, tout est par terre. Patatras, je l'avais bien dit. Et des scènes, et des criailleries, et des menaces de filature, d'avoué, et des disputes sur la pension alimentaire. Vous savez, cette Sally Manter. Les enfants se figurent que c'est une vieille amie de maman, à force d'en entendre parler depuis qu'ils sont tout petits. Ils s'imaginent que maman l'appelle quand ça va mal. Et ça va vraiment mal. Pire que jamais. On avait commencé le partage. On rendait Bun et Bitchy à Buendelmonte, puisque le voilà riche depuis son mariage. Zinia est toute prête à reprendre sa fille. Son mari la trouve amusante. Papa gardait Chip et nous, les trois aînés, on allait recommencer à être ballottés comme avant, comme des bouquins défraîchis de cabinets de lecture. Scopi en empruntait à Biarritz. Les bouquins embêtants, on peut les garder tant qu'on veut, mais les autres, on ne peut les louer que pour la semaine. » Elle tourna vers lui son visage brûlant. « Voyons, Martine, dites que j'ai bien fait. Il fallait empêcher cela. » La nourriture qu'elle venait de prendre l'avait tellement échauffée que Boyne crut qu'elle avait la fièvre, à moins que ce ne fût l'excitation de la fatigue. Il lui prit la main. Elle était brûlante comme le visage. « Vous n'en pouvez plus. Nous reparlerons demain. Il n'arrivera rien d'ici là. Allons, recoiffez-vous. Je vous ramène à votre pension. » « Mais Martine, vous ne nous abandonnez pas, c'est juré. » « Sur le livre à Scopi. Mais allons-nous-en, ou vous allez tomber de sommeil en route. » En réalité, il ne l'avait jamais vue aussi éveillée. Mais elle se laissa faire et lui prit le bras pour gagner la porte entre les parties de bridge. La lune descendait à l'ouest Suspendus au ras des crêtes et l'horloge du village sonnait les trois quarts de minuit, tandis qu'ils descendaient le sentier entre des prairies laiteuses et des fermes endormies. Quelques lueurs brillaient encore aux lisières du village, mais la pension Rosenglue, pudiquement retirée derrière ses volets blancs, montrait à la lune un visage aveugle. Boyne ouvrit la grille et se préparait à devancer la jeune fille sur le perron. « Inutile de sonner, Martine, cela réveillerait toute la maison. On n'a pas dû mettre le loquet. J'ai dit à Scopie de prendre garde à ne pas m'enfermer dehors. » Elle tâta le bouton qui tourna docilement, puis, se retournant, elle sauta au cou de son compagnon. « Martine, cher grand ami, croyez bien que je n'aurais jamais osé, si je n'avais compté sur vous pour nous aider. » Et elle appuya ses déclarations d'un baiser sonore. « Je me passerai bien de la commission, » murmura-t-il. Mais il poussa doucement la jeune fille dans l'entrée en songeant. « Je n'aurais jamais dû lui laisser boire deux cocktails. »« Allons, montez tout doucement, » lui dit-il à voix basse. « Je passerai aux nouvelles demain matin. » Il referma la porte sur elle et s'échappa vers la grille. Minuit à l'horloge du village. Boyne pouvait-il décemment à cette heure frapper à la porte de Madame Sellers? À mi-chemin de l'hôtel, il quitta la route et s'engagea dans un sentier à travers bois qu'il connaissait bien. Mais le chalet avait soufflé toutes ses lumières.